Kulturtiftego. Web Musique. Vous êtes en compagnie de Simon Roy. On va être ensemble pour la prochaine heure. Ce soir, une sélection Global Metal, si vous voulez. Je vous ai dégoté toutes sortes de trucs qui viennent de plusieurs pays dans le style metal, new metal, post-metal. Donc, des groupes vraiment intéressants. J'en ai d'un peu partout, du Brésil, du Japon, de la Pologne, de l'Italie. Même les Pays Basques, puis un petit peu de la Russie aussi. Donc, vous allez voir, une sélection vraiment intéressante. C'est un mouvement qui est vraiment planétaire, le métal, on s'en rend compte. Donc, c'est ça, comme à l'habitude, ben, les pièces, vous pouvez les télécharger gratuitement. Vous vous rendez sur le site de Web Musique, puis vous avez accès à tout ça. Donc, on va débuter tout de suite avec un groupe qui vient du Brésil qui s'appelle Black Sea. C'est publié sur le netlabel Sinewave. La pièce s'appelle Don't Stay For Too Long. Ensuite de ça, du Japon, le groupe s'appelle... c'est donc un trio du Japon qui s'appelle The Creator Of. La pièce s'appelle Fall Deeper Into The Further Reaches. Vous allez voir, c'est très bon. Donc, c'est ça, on débute Web Music avec Black Sea. What's the most you ever lost in a coin toss? Sir, the most you ever lost in a coin toss? I don't know, I couldn't say. Call it. Call it, yes. For a whole lot, just call it. Well, we need to know what we're calling it for here. You need to call it. I can't call it for you. Wouldn't be fair. I didn't put nothing out. Yes, you did. You've been putting it up your whole life. You just didn't know it. Thank you. C'était le trio japonais de Creator of. La pièce s'appelle Fall Deeper into the Further Reaches. Un album vraiment excellent du nom de, attendez un peu, In Reservoir. Je vous invite à le télécharger, c'est vraiment bon. On avait ouvert Web Music avec un groupe brésilien du nom de Black Sea. La pièce s'appelle Don't Stay for Too Long. C'était publié sur Sine Wave, un excellent net label qui vient du Brésil. Ils ont vraiment énormément de matériel, donc allez visiter le site de Sine Wave, ça vaut vraiment la peine. Pour poursuivre Web Music, cette fois-ci, on va se diriger du côté des États-Unis, la ville de Columbus, en Ohio. L'artiste s'appelle Deterior. Je vous fais passer sa pièce Gray Cell. Ensuite de ça, de l'Ukraine, la ville de Kiev, un artiste du nom de Before a Dream. Sa pièce s'appelle La Lande 21185. Un artiste assez intéressant. J'ai pas plus d'informations qu'il faut parce que sa page est en ukrainien et je suis pas très compétent dans ce langage-là. Donc, c'est ça. On écoute Deterior tout de suite. We'll be right back. Vous êtes toujours à CKRL, vous écoutez l'émission Web Musique. Les deux artistes qu'on vient d'entendre, ben oui, c'était pas des groupes, c'était des artistes. Donc, deux personnes qui ont travaillé comme des moines dans leurs studios respectifs pour réussir à enregistrer tous ces instruments-là. On vient tout juste d'entendre de la ville de Kiev, en Ukraine, c'était Before a Dream. La pièce s'appelle La Lande 211-85. Et avant ça, c'était de Columbus, Ohio. L'artiste s'appelle Deterior. C'était sa pièce A Gray Cell. Donc, deux artistes vraiment, mais vraiment, excusez-moi, vraiment intéressants. On va écouter tout de suite Nuovarta, qui vient aussi de Kiev. Je crois qu'il y a beaucoup de talent métal, la ville de Kiev. Donc, c'est ça, Nuovarta avec sa pièce Diadema Part 1. Ça, c'est un quatuor, vous allez voir. Encore une fois, excellent. C'était Nuovarta qui vient de l'Ukraine, sa pièce Diadema Part 1. Donc, je vous rappelle que vous pouvez télécharger toutes les pièces entendues à Web Musique. Vous vous rendez au www.webmusique.org. Le web s'écrit O-U-E-B-E. Et vous avez accès à toute cette bonne musique. C'est aussi disponible en balado-diffusion. Donc, si vous manquez des bouts, c'est pas grave. Vous pouvez toujours consulter qu'est-ce qui a joué à l'émission. On fait une courte pause, puis je vous reviens tout de suite après. Devenir membre de CKRL, c'est appuyer la première radio communautaire francophone en Amérique du Nord. Fidèle à ses nouvelles couleurs et à son nouveau slogan, le 89.1 et ses partenaires offrent à ses membres des rabais aussi intéressants que variés. Au Poble d'Orsay, à l'Abraham-Martin, au Centre de yoga de Québec, chez Futon, etc., au Théâtre Périscope et au Théâtre de la Bordée. Voyez tous les détails à ckrl.qc.ca. CKRL 89.1, cultive tes goûts. Du lundi au vendredi, réveillez-vous avec le 89.1. Actualité, société, culture. 2h30 de plaisir. Avant 9h, tout est possible. Avec Raymond Poirier et son équipe, dès 7h. CKRL 89.1, cultive tes goûts. CKRL. De retour à Web Musique, vous êtes toujours en compagnie de Simon Roy. Avant la pause, c'était un petit spécial Global Metal. On va poursuivre dans la même veine. Le métal est un peu partout sur la planète et à preuve, le prochain artiste vient de la Pologne, s'appelle Hope. La pièce s'appelle Face Up. Ensuite de ça, de l'Italie, c'est Sistema Liquido avec la pièce In Ogni Istante. Vous allez voir deux groupes vraiment excellents. going on a trace. Say what you're trying to do. Now we will not be sad. I just wanna see your soul. We'll be right back. Ça sonne plutôt bien le métal en italien. Donc, c'était Sistema Liquido avec la pièce In Ogni Istante. Donc, avant ça, c'était le groupe, mon Dieu, pas le groupe, c'est presque l'orchestre. Il s'agit de deux chanteurs, deux guitaristes, un bassiste et un drummer avec deux DJ. Le groupe s'appelle Hope. Ils viennent de la Pologne. C'était leur pièce Face Up. Ils viennent de la Pologne, la ville de Poznan, plus précisément. Pour poursuivre Web Music, on va encore être du côté de l'Italie avec un groupe du nom de Kawabunga, j'imagine, qui écoutait les Teenage Mutant Ninja Turtles. Je vous fais passer leur pièce Welcome Back. Ensuite de ça, c'est Infernus, un groupe qui vient du Kyrgyzstan. C'est situé en Asie centrale. Je fais passer leur pièce Defeating the Demons. Vous allez voir, c'est vraiment bon. C'est assez particulier parce qu'ils viennent du Kyrgyzstan, mais ils sont sur une étiquette qui vient de Taïwan. L'étiquette s'appelle Kusoj Technic Club Production. Donc, vraiment une drôle d'association. Donc, c'est ça. On écoute tout de suite Kawabunga. We'll be right back. Let's get the best kicking. Et non, vous n'êtes pas à Rock Détente, vous êtes plutôt à l'antenne de CKRL. Vous écoutez l'émission Web Musique. On vient tout juste d'entendre un groupe qui vient du Kyrgyzstan en Asie centrale. Il s'agit de Infernus. La pièce s'appelle Defeating the Demons. Un excellent album. Donc, je vous invite à aller le télécharger. Avant ça, de l'Italie, c'était Kawabunga avec leur pièce Welcome Back. On va poursuivre avec un groupe qui vient du Pays Basque en Espagne, donc qui chante en basque. C'est un langage, je crois, en 2008, je faisais quelques recherches, il disait qu'en 2008, il y avait 1 200 000 personnes qui parlaient le basque. Donc, c'est un langage qui est quand même assez fort, mais on n'est pas habitué de l'entendre dans le métal. Donc, c'est ça, le groupe s'appelle Kudai. Je vous fais passer la pièce Chamat. Vous allez voir, c'est vraiment bon. Ensuite de ça, toujours de l'Espagne, c'est Hippo Spadia. La pièce s'appelle Fucking Close to Water. Vous allez voir, c'est deux pièces vraiment excellentes. We'll be right back. de l'Espagne, un drôle de mix, un peu d'accordéon avec du métal. Le groupe s'appelle Hypospadia. La pièce s'appelle Fucking Close to Water. Avant ça, des Pays Basques, donc c'était Kudai avec la pièce Chamat. C'était chanté en basque, donc avec un petit peu plus de recherche, j'ai vu qu'il y avait seulement 20 000 unilingues basques dans le monde. Il y a plus de 1 200 000 personnes qui parlent cette langue, donc c'est intéressant ce qu'on peut apprendre avec le métal. Donc, ben c'est ça, on va se quitter sur une dernière pièce. Il y a le doc Franco qui s'en vient tout de suite après. On va écouter une pièce qui vient de la Russie. Le groupe s'appelle Bugotak. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. C'est des chants de gorge mélangés avec du métal. Donc, la pièce s'appelle All What Do Want. Vous allez voir, c'est vraiment bon. Avant de se quitter, ben, je vais vous rappeler que vous pouvez télécharger les pièces entendues à l'émission. Vous vous rendez au www.webmusique.org et vous pouvez télécharger toute cette bonne musique. Donc, ben, c'est ça, on se quitte sur Bugotak, la pièce « All What Do You Want ».